Apocalypse chapitre 11. Alors il me fut donné un roseau semblable à une verge, et il se présentait un ange, qui me dit, lève-toi, et mesure le temple de Dieu, et l'autel, et ceux qui y adorent. Mais laisse à l'écart le parvis qui est hors du temple, et ne le mesure point, car il est donné aux gentils, et ils fouleront au pied la sainte cité durant 42 mois. Mais je la donnerai à mes deux témoins, qui prophétiseront durant 1260 jours, et ils seront vêtus de sacs. Ceux-ci sont les deux oliviers, et les deux chandeliers, qui se tiennent en la présence du Seigneur de la terre. Et si quelqu'un leur veut nuire, le feu sort de leur bouche, et dévore leurs ennemis, car si quelqu'un leur veut nuire, il faut qu'ils soient ainsi tués. Ceux-ci ont le pouvoir de fermer le ciel, afin qu'il ne pleuve point durant les jours de leur prophétie. Ils ont aussi le pouvoir de changer les eaux en sang, et de frapper la terre de toutes sortes de plaies, toutes les fois qu'ils voudront. Et quand ils auront achevé de rendre leur témoignage, la bête qui monte de l'abîme, leur fera la guerre, les vaincra, et les tuera. Et leurs corps morts seront étendus dans les places de la grande cité, qui est appelée spirituellement Sodome, et Égypte, où aussi notre Seigneur a été crucifié. Et ceux des tribus, des peuples, des langues, et des nations verront leurs corps morts durant 3 jours et demi, et ils ne permettront point que leurs corps morts soient mis dans des sépulcres. Et les habitants de la terre en seront tous joyeux, ils en feront des réjouissances, ils s'enverront des présents les uns aux autres, parce que ces deux prophètes auront tourmenté ceux qui habitent sur la terre. Mais après ces 3 jours et demi, l'Esprit de vie venant de Dieu entra en eux, et ils se tinrent sur leurs pieds, et une grande crainte saisit ceux qui les virent. Après cela ils ouïrent une forte voix du ciel, leur disant, « Montez ici !» Et ils montèrent au ciel sur une nuée, et leurs ennemis les virent. Et à cette même heure-là il se fit un grand tremblement de terre, et la 1/10 partie de la cité tomba, et 7000 hommes furent tués par ce tremblement de terre, et les autres furent épouvantés, et donnèrent gloire au Dieu du ciel. Le second malheur est passé, et voici, le troisième malheur viendra bientôt. Le 7e ange donc sonna de la trompette, et il se fit entendre au ciel de grandes voix, qui disaient, « Les royaumes du monde sont soumis à notre Seigneur, et à son Christ, et il régnera au siècle des siècles. » Alors les 24 anciens qui sont assis devant Dieu dans leur siège, se prosternèrent sur leur face, et adorèrent Dieu, en disant, « Nous te rendons grâce, Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui est, qui était, et qui est à venir, de ce que tu as fait éclater ta grande puissance, et de ce que tu as agi en roi. Les nations se sont irritées, mais ta colère est venue, et le temps des morts est venu pour être jugé, et pour donner la récompense à tes serviteurs les prophètes, et aux saints, et à ceux qui craignent ton nom, petits et grands, et pour détruire ceux qui corrompent la terre. » Alors le temple de Dieu fut ouvert au ciel, et l'arche de son alliance fut vue dans son temple, et il y eut des éclairs, des voix, des tonnerres, un tremblement de terre, et une grosse grêle.